la Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Son œuvre est un jalon essentiel dans l'histoire de la composition au piano. Frédéric Chopin, né en 1810 près de Varsovie et mort à Paris en 1849, a su inventer une musique tout intérieure qui ne submerge pas l'auditeur par ses effets ou sa grandeur, mais s'incorpore doucement en lui jusqu'à ce qu'il devienne lui-même comme sujet de sa musique. C'est ce mystère limpide dont Ravel, Fauré et Debussy sont des héritiers que nous allons tenter d'approcher ici jusqu'à jeudi. Jeudi, justement, nous nous arrêterons sur un lieu et une personne. Le lieu, c'est Nohant, et la personne, c'est George Sand. Jean-Yves Pat nous racontera les étés de composition de Chopin dans le manoir de l'écrivaine avec qui il partageait sa vie. Mercredi, avec Cécile Reynaud, il s'agira d'interroger les notions de romantisme et de virtuosité chez le compositeur. Enfin, demain, nous tâcherons de donner les grandes lignes qui caractérisent l'œuvre chopinesque. Nous serons pour ce faire avec Jean-Jacques et Geldinger. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Frédéric Chopin, nous sommes en votre compagnie. Pascal Fautrier, bonjour. Bonjour. Vous nous aviez parlé, il y a quelques mois, des grands manifestes littéraires dont vous avez fait une anthologie que vous aviez publiée en 2009 aux éditions Folio Gallimard. Les éditions Folio Gallimard où vous avez publié l'année suivante votre biographie de Chopin. Et par ailleurs, ces jours-ci, vous venez de faire paraître au Diable Vauvert un tout autre livre. Il s'appelle « La vie en jaune, chronique d'un soulèvement populaire ». C'est un reportage sur les gilets jaunes de Commercy en Lorraine, avec qui vous avez manifesté en novembre dernier. Pas grand-chose à voir. Si, la Lorraine. Ah, la Lorraine. Alors pourquoi ? Quel rapport entre Chopin et la Lorraine ? Dites-nous tout. En fait, le père de Chopin est né en Lorraine. Il est né dans un petit village de Lorraine. À Marinville. Voilà, à Marinville. Et c'est finalement pas tout à fait son rapport, puisqu'on est quelques années avant la Révolution française. Et c'est un fils de paysan qui va se trouver mêlé à la noblesse polonaise présente en Lorraine, voilà, depuis Louis XV à peu près. Et qui du coup va avoir la chance inouïe et totalement exceptionnelle de faire des études, d'apprendre à jouer de la flûte et du violon, et de partir en Pologne et de faire une carrière de professeur de français. Une très belle carrière d'ailleurs. Et de littérature à Varsovie, ce qui est complètement inouï. Je crois que pour parler de Chopin, il faut vraiment commencer par parler du père de Chopin, comme le fait son biographe polonais, qui est Zieliński. Alors pourquoi le fait qu'il y ait ascension sociale très marquée chez le père de Chopin est-il important pour son fils, selon vous, Pascal Fautrier ? Alors il y a un très curieux aller-retour entre la France et la Pologne, dont j'essaie de faire un peu le moteur de la biographie dans mon livre. On a un petit paysan qui va donc se retrouver grâce au comte Pâques, donc du côté de Marinville, à pouvoir faire des études à Nancy. Et qui va suivre le comte Pâques en Pologne deux ans avant la Révolution française, et qui va devenir tellement polonais qu'il va combattre aux côtés des Polonais au moment de l'insurrection polonaise dans les années 1790. C'est-à-dire que il va adopter, il est voltairien, c'est-à-dire que ce qu'il a retenu de cette éducation, le père de Chopin, c'est un goût immodéré pour Voltaire et les idées libérales. Et il va donc devenir, alors pas vraiment un républicain, mais disons un libéral. Et il va combattre aux côtés des Polonais. Et la liberté de la Pologne, qui va de nouveau, alors je raconte pas toute l'histoire de la Pologne entre les années 90 et... Tout le monde se dispute ce territoire. Tout le monde se dispute ce territoire. Donc les Français vont l'occuper avec Napoléon pendant un certain temps. Et puis, de nouveau, à partir de 1815, ce sont les Russes qui vont occuper, en tout cas, le territoire sur lequel Chopin naît, qui est Varsovie. Mmh. Voilà. Donc il va y avoir une occupation qui va se durcir à tel point que les Polonais vont se soulever dans les années 30, donc les dernières années de l'existence de Chopin en Pologne. Et Chopin va revenir à Paris sans en avoir vraiment l'intention. Donc va revenir en quelque sorte en France, non pas du tout sur les traces de son père, parce qu'en fait il n'a pas l'intention de vivre en France. Au début, il pense qu'il n'est là qu'en passant, c'est ce qu'il explique à ses amis. Et à un moment où pour les républicains français, donc on est quelques semaines après les journées de juillet 1830, c'est-à-dire la chute de la monarchie française qui soulève de grands espoirs en Europe, et les républicains français font de grandes manifestations sur les grands boulevards au cri de libérer la Pologne martyr. Et donc lui, il assiste sur son balcon du boulevard Poissonnière à ces manifestations. Absolument, il vient juste d'arriver à Paris, dans un état d'ailleurs un peu grave, on verra ça. Donc en fait, la question de la liberté polonaise va se trouver au cœur de sa vie d'exilé. Et au fond, sa vraie patrie, c'est une Pologne imaginaire, une Pologne libre. Alors il y a une de ces études qui s'appelle l'étude révolutionnaire, et vous dites que l'aventure politique s'y universalise en expérience intérieure. Est-ce qu'on peut faire le lien entre la politique, tout ce dont vous venez de nous parler, Pascal Fautrier, et la musique de Chopin qui ne paraît pas comme ça tellement politique ? Oui, alors le biographe de Chopin, Zelinski, entend des coups de feu à la fin de la 12e étude, donc qu'on appelle révolutionnaire. Bon, je pense que ça aurait pas tellement plu à Chopin, puisque il a pas du tout une conception d'expression naturaliste de sa musique. Ça va être un débat d'ailleurs avec George Sand, qui va devenir sa compagne donc à la fin des années 1830. Est-ce qu'on entend des coups de feu à la fin de la 12e étude? C'est pas sûr. Donc il s'agit pas tant pour Chopin d'exprimer des idées dans sa musique, c'est plutôt le contraire, et c'est ce que j'essaye de dire par cette formule alambiquée, parce qu'on attendrait plutôt que comment dire, les sentiments s'universalisent par le collectif, et là effectivement c'est l'inverse, c'est une intériorité ouverte. Alors vous en parlerez, je pense, un peu plus longuement dans notre émission, une intériorité ouverte, une intériorité sans fondement, où résonnent les événements extérieurs, qui est la matière de la musique de Chopin. Effectivement, c'est dans cette transmutation, cette métabolisation à la fois de ce qu'il vit en tant qu'homme, de sa physiologie aussi, sa difficulté. C'est un homme malade, un homme qui a un rapport au corps sans cesse difficile et douloureux, un rapport à l'amour qui n'est pas non plus très, très, très, très évident. Et puis, il y a à la fois cet exil et la Pologne martyr, et Tout ça résonne dans cette intériorité et devient la musique de Chopin, qui n'est pas expressive, qui ne dit pas quelque chose, mais qui est en effet en cela tout de même nous parle d'une manière universelle. Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors Frédéric François Chopin, vous dites plutôt Friedrich. Première partie, enfin jusqu'à son exil, en fait, je l'appelle Frédéric, donc de son nom polonais. Et il devient Frédéric. Il va devenir Frédéric finalement. Né donc presque à son corps défendant. Le 1er mars 1810. Alors vous avez dit à Varsovie, en fait c'est dans une maison, dans un château pas loin de Varsovie, le château de Zelazowa Wola, où son père donc était précepteur. Il donnait des leçons de français, et c'est juste après la naissance du petit garçon qu'ils vont partir à Varsovie. Oui. Et là, le père a un autre métier qui consiste à avoir une sorte de maison où il accueille, c'est ça, des étudiants. Alors, en fait, sa première fonction, à la suite de cet exil avec les comtes, ce comte polonais qui avait un domaine à Marainville en Lorraine, c'est la fonction d'intendant. C'est sa première profession. C'est là qu'il rencontre sa femme aussi, donc la mère de Chopin. Oui, il rencontre sa femme, c'est la comtesse Karbeck, donc dans ce domaine dont je ne reprononcerai pas le nom. Zelazova, voilà. Voilà, exactement. Et il rencontre donc la mère de Chopin, qui est une parente de la comtesse Karbeck, qui est d'un milieu aristocratique appauvri, peut-être d'origine juive, mais qui a une éducation très, très raffinée, une éducation d'aristocrate, et en particulier, elle chante et elle joue du piano, et Frédéric va finalement passé sa toute petite enfance sous le piano de sa mère. Mmh. Voilà. Et donc, il va passer, en fait, le père de Chopin de cet état d'intendant de la comtesse Karbeck à l'état de précepteur de son fils aîné, notamment, qui va devenir un grand soutien de la famille Chopin et même de la première gloire dès l'enfance du petit Chopin qui se révèle très vite un génie du piano. Est-ce que le père de Chopin agit un petit peu comme le père de Mozart, c'est-à-dire en encourageant énormément son fils à jouer et puis à se montrer aussi comme un interprète très jeune? Alors, pas vraiment, puisqu'en fait, bon, effectivement, il se produit à 7 ou 8 ans dans les salons, comme dit George Sand, il passe son enfance sur les genoux des princesses, mais c'est une exagération de George Sand. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, est-ce que c'est pour des raisons politiques, c'est-à-dire la distance du père de Chopin avec les autorités, en particulier russes, qui vont très vite s'établir, voilà. Ou bien, est-ce que c'est pour d'autres raisons? Non, il n'empêche que le père de Chopin va cesser à un moment donné de faire mener à son fils cette vie de petit prodige, de petit singe savant qu'on trimballe dans les salons, et semble-t-il d'une manière tout à fait consciente. Voilà. Mmh. Alors néanmoins, à l'âge de 13 ans, il va de nouveau se produire en public à Varsovie. Mais il a pas du tout été, disons, exploité comme un petit prodige dans son enfance. Et il a par ailleurs un maître de piano qui a des méthodes tout à fait douces, qui est un monsieur qui a des goûts désuets, qui vont finalement être un peu en avance sur son temps. Ça, par exemple, il aime beaucoup Bach, que Chopin va aimer toute sa vie, et qui va de nouveau être à la mode à la fin, grâce à Mendelssohn, à la fin des années 1820. Et en fait, son précepteur ne lui impose pas du tout un rythme de travail très, très, très intense. Chopin lui-même, d'ailleurs, comme précepteur plus tard à Paris, aura le même type de méthode, c'est-à-dire qu'il dira à ses élèves de ne pas travailler plus de 3 heures par jour. Mmh. Mais il fait quand même des progrès foudroyants à cet âge-là. Alors, on observe, sa mère d'abord, dès l'âge de 5 ans, mais même avant, entre 3 et 5 ans, observe immédiatement qu'il a une faculté à reproduire les mélodies, qu'il a une faculté, même très vite, à composer de petits airs, qui est tout à fait exceptionnel, dont j'essaie de reconstituer dans mon livre ce qui en a été la substance. Je pense que le rapport à la mer et le fait de vivre sous ce piano, les sensations physiologiques qu'il y avait à écouter la mer chanter, à écouter la mer jouer sous ce piano, peut-être sont la base de sa disponibilité particulière. Ce qui est évident, c'est que très très précocement, sa volonté d'expression passe dans la volonté de jouer et dans la musique. Peut-être plus que dans la langue. Il y a un rapport ambigu de Chopin à l'expression verbale. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, je pense que c'est lié justement à ce doute dont on vient de dire, c'est-à-dire les origines françaises de son père qui a gardé un très fort accent français. Il a des précepteurs qui viennent de partout avec des accents tchèques, avec des fois des accents de toutes les langues mêlées. Un peu, on est vraiment dans cette Europe centrale où on bouge beaucoup finalement à l'époque. Et Chopin se moque à l'adolescence. Un de ses traits, c'est un adolescent très gay, contrairement à l'image qu'on peut avoir d'un Chopin romantique qui est forcément triste, c'est pas le cas. Un adolescent très gai et très moqueur. Et un de ses sujets de moquerie favoris, ce sont les accents et la façon de prononcer les mots. En tout cas, on sent... Il imite assez facilement, d'ailleurs. Il imite, voilà. Il imite les gens, il imite leur tic, etc. Mais dans une sorte de distance moqueuse et ironique, et comme si lui possédait quelque chose comme une langue naturelle, une langue harmonique, harmonieuse, qui était la musique. Et où sa musique aussi a composé. Beaucoup par l'improvisation. Dès l'âge le plus tendre, il étonnait par la richesse de son improvisation. Il se gardait bien cependant d'en faire parade. Mais les quelques élus qui l'ont entendu improviser pendant des heures entières, de la manière la plus merveilleuse, sans jamais rappeler une phrase quelconque de n'importe quel compositeur, sans même toucher à aucune de ses propres œuvres, ne nous contrediront pas si nous avançons que ses plus belles compositions ne sont que des reflets et des échos de son improvisation. Cette inspiration spontanée était comme un torrent intarissable de matières précieuses en ébullition. De temps en temps, le maître en puisait quelques coupes pour les jeter dans son moule, et il s'est trouvé que ces coupes étaient remplies de perles et de rubis. C'est vrai que c'est assez important, Pascal Fautrier, de revenir sur cet adolescent que vous décrivez comme étant tout à fait différent. Alors, soit de ce qu'il sera plus tard, soit de l'image qu'on a de lui plus tard, c'est-à-dire de quelqu'un qui est capable de dire « je suis gai extérieurement, mais intérieurement, bien des choses me font souffrir ». Au contraire, dans son adolescence, on a l'impression de quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui est finalement très gai, et pour qui ça se passe très bien également avec ses parents. C'est une enfance tout de même, oui, et une adolescence heureuse. Assez idyllique même, et peut-être même avec une difficulté ensuite à s'arracher à cette idylle. Le lien ne pourra jamais être réellement coupé. Est-ce que ça viendrait de là aussi, la mélancolie de Chopin et de sa musique? Oui, alors c'est un enfant, un adolescent gai, jusqu'à ce que la maladie se déclare autour de l'âge de 17 ans, et puis sa jeune sœur va mourir de la même maladie, tuberculose, muscovicidose, on ne sait pas trop. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites dans cette famille, et notamment les origines paysannes du père, origine française et paysanne. Une sorte de honte à ce sujet-là? Alors une honte, il y a une telle volonté chez le père d'ascension sociale, de quitter son milieu, de s'en aller. Alors je cite Voltaire parce qu'il y a un texte de Voltaire qui me semble du sien philosophique, que Chopin demandera sur son lit de mort quand on lui lise ce texte. Donc je pense que c'est un texte très très important, et le père de Chopin est parti de France avec le dictionnaire philosophique sous le bras. Donc je pense que c'est un texte tout à fait considérable pour comprendre des choses non dites dans le rapport du père et du fils, le désir de s'en aller, le désir d'ascension sociale. Mais le résultat est que le père de Chopin est quand même quelqu'un très rigide, et tout de même Chopin vit dans une discipline très rude, donc il tient aussi, il est à la fois professeur au lycée, il tient un pensionnat, le père de Chopin, et la discipline est vraiment, c'est vraiment un carcan très rigide. Donc du côté, je pense, que de la sexualité, du côté aussi de ses origines paysannes, il y a des choses non dites. Et puis il va découvrir à l'âge de 15 ans cette musique populaire paysanne lors d'un voyage. Voilà, alors l'été, donc on est au nord-ouest de Varsovie, à une centaine de kilomètres, je crois, dans un de ses domaines, voilà, et il découvre cette musique paysanne populaire qu'il va noter. Alors c'est pas exactement le même intérêt que Bartok plus tard, c'est pas un intérêt, je dirais, ethnographique, c'est plutôt vraiment un intérêt de musicien, et il est évident que il va trouver là à dire des choses qui sans doute ne peuvent pas être dites, qui sont du côté de l'érotisme, puisque c'est un été où il se passe aussi des choses, c'est la découverte de des mois érotiques, et puis quelque chose du côté de cette musique populaire qui dit des choses qui ne peuvent pas être dites dans les salons. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un deuxième investissement physiologique, intellectuel, du côté de cette musique populaire. Et vous insistez aussi sur le fait que c'est un garçon qui se met à danser à ce moment-là. Ça vous semble important. Alors, il se met à jouer de la viole avec les paysans, à danser, à courir dans les champs. Oui, c'est un Chopin en pleine santé. C'est le Chopin que Nietzsche verra plus tard, le Chopin de la joie, un Chopin de la joie de vivre, que Nietzsche entendra même dans ses œuvres tardives et qui existe absolument. Voilà, je pense que c'est un des moteurs de la musique de Chopin, cette volonté de vivre, cette joie de vivre, très très grande, cette puissance créatrice qui prend là sa substance. Et puis un Chopin qui très vite se met à composer de la musique. Ça, c'est l'opus numéro 1, le rondo en ut mineur que Chopin publie alors qu'il a 15 ans, qu'il est au lycée. Vous écrivez à un moment dans votre biographie que la musique de Chopin, c'est une épopée sensible et intime d'une immense victoire sur soi. L'adolescence, c'est la tentative de la victoire sur soi-même. C'en est un exemple. Oui, alors on n'est pas encore vraiment dans la victoire sur soi à ce moment-là, je crois. On est plutôt dans l'expression d'une gaieté, de cette danse dont on parlait à l'instant. On n'entend pas encore vraiment les accents de cette musique populaire dans ce rondo, mais on entend la danse. On entend la joie du corps, la joie de vivre, oui. Et qui va permettre ensuite, lorsque Chopin va tomber malade, c'est finalement un malade en sursis toute sa vie, parce qu'il meurt très jeune, il meurt à 39 ans. Cette joie de vivre va être ce qui va permettre la victoire sur le destin et la victoire sur soi. Cette joie de vivre dans la musique, cette joie de vivre par la musique. Et puis aussi des amitiés qui lui resteront toute sa vie. Alors moi non plus, je ne vais pas me lancer dans la prononciation de certains patronymes, mais il y a Titus et puis il y a Julian Fontana qui vont être des confidents de toute sa vie. Qui sont-ils? Alors Titus est un quelqu'un qui va l'accompagner en exil, hein, puisque c'est un propriétaire terrien, ou enfin, en tout cas lui est pas du tout du même milieu social que Chopin. Et au moment de l'insurrection d'ailleurs en 1830, hein, l'insurrection polonaise en décembre 1830, il va laisser Chopin tout seul à Vienne, hein, qui était censé l'accompagner. Il va jouer là un rôle paternel en lui disant mais ton destin c'est de continuer et de gagner une réputation de compositeur international. Donc il fait un peu le pousser dans le dos vers l'exil. Alors ce qu'on peut dire, ces amitiés masculines et des correspondances très très riches, la correspondance de Chopin est assez fascinante. Beaucoup cité dans mon livre, mais il y a une manière d'écrire avec un mélange des langues parfois, justement, mais qui est d'une délicatesse, qui tout de même un rapport avec la délicatesse de sa musique. Et il est très très c'est un homme qui exprime ses sentiments avec une espèce de franchise incroyable, notamment vis-à-vis de ses amis masculins à qui il déclare un amour éperdu. Je crois que les amitiés masculines de Chopin ont peut-être largement autant compté que ses amours féminines et ont été une source de joie peut-être plus grande que son rapport avec les femmes. Il y a peut-être trouble dans le genre chez Chopin qui tombe tout de même amoureux d'une femme qui s'appelle Georges, qui se fait appeler Georges, qui fume le cigare, qui porte des pantalons. Alors ça c'est plus tard, donc c'est à Paris, on est en 1836, mais c'est vrai que la première fois qu'il voit Georges Sand en plus, alors c'est pas un coup de foudre, hein, c'est pas une impression. Au début, c'est assez froid, je crois, la première rencontre. C'est assez froid, ça correspond pas à son idéal de femme, du moins celui que lui dicte un surmoi, voilà, qui vient de ses parents et d'un conformisme social. On a là une femme, effectivement, qui fume le cigare, dont on sait qu'elle chevauche le matin très tôt sur son cheval, et voilà, qui donc affiche une masculinité. Et c'est la première chose qui le frappe. Et au début, ça le dégoûte presque un peu. En tout cas, c'est ce qu'il exprime à ses amis. Alors, le dégoût, faut se méfier, hein, parce que des fois, c'est justement l'envers du goût, de l'érotisme. De trop de goût. Du goût. Et du coup, effectivement, cette masculinité de George Sand, le gars, qui est à la fois masculine et maternelle, va être sûrement la raison profonde de leur relation. Alors, on parlera vraiment de la relation entre Chopin et Sand jeudi prochain. Je voudrais qu'on revienne à ses toutes premières œuvres, et notamment à celle composée en 1827. Chopin a à l'époque 17 ans. Il s'agit d'une variation sur le duo chanté par Don Giovanni et Zerlina dans l'acte 1 du Don Giovanni de Mozart. Donc sur Don Giovanni de Mozart, et c'est Schumann qui va écrire un fameux article considérant qu'il a découvert, lui et d'autres, un grand génie. Il dira « Chapeau bas messieurs, on a là affaire justement à un génie ». Oui. Schumann qui entendait aussi des canons sous les fleurs, par ailleurs, un peu comme le biographe de Chopin. Et bon, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une variation sur la Tidare la Mano, et ça nous renvoie à ces étés de Schaffarnia, je crois qu'on prononce comme ça, donc ce domaine dans lequel Chopin a passé son 15e et son 16e été, enfin l'été de sa 15e et de sa 16e année, où il découvre à la fois l'érotisme et qu'il est amoureux d'une gouvernante, ce qui se fait pas du tout. On l'accuse même de l'avoir engrossé, alors qu'il est tout à fait vierge, hein, puisqu'on lui connaît peut-être de rapports sexuels seulement à partir de l'exil, et donc pas sur le territoire polonais a priori. Donc il est même accusé d'avoir engrossé cette gouvernante alors qu'il a simplement fait quelques pas avec elle. Voilà, donc ça c'est le Chopin un peu 18e siècle, on peut dire, un peu volage, un peu libertin, le Chopin qui passe d'une jeune fille à l'autre. Il va tomber amoureux d'une cantatrice néanmoins, voilà. Alors, c'est son premier amour malheureux d'ailleurs. Et donc Marie Wodinska. Oui, ça c'est plus tard. C'est encore plus tard, et c'est une autre tentative, parce qu'il faut vraiment parler de tentative avec Chopin, qui là aussi conduit à un échec. L'amour sera toujours impossible. Alors évidemment, avec George Sand, il y aura évidemment une forme d'amour, mais sans doute compliqué. Là, avec Maria Wodinska, qu'est-ce qui se passera? Oui, c'est très curieux. Là, à la fois, on a affaire à un milieu avec la famille des parents de Maria Wodinska, qui était un milieu qui pourrait, si le mariage se faisait, conforter cette volonté d'ascension sociale qui vient du père et qui existe très fortement chez Chopin. Et puis ça ne se fait pas exactement pour ces raisons-là, c'est-à-dire que Chopin est un homme malade, et puis il n'a aucune fortune personnelle. Enfin, son père est simplement finalement un professeur, il gagne sa vie comme professeur, donc n'y a pas du tout d'argent. Il va devoir gagner sa vie à la fois comme maître de piano et comme compositeur. Et ça va être très, très, très compliqué tout le temps. D'ailleurs, il a vraiment le destin romantique, mais peut-être vous développerez ça ailleurs, de ces artistes, voilà, bohème des années 1830-1840, qui découvrent, c'est la fin du mécénat aristocratique, même si Chopin en bénéficie encore un tout petit peu, mais qui découvrent la précarité et le fait d'avoir à gagner leur vie finalement avec leur art. Donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait la faute de Chopin, mais effectivement, bizarrement, presque très très très vite, va d'ailleurs composer sur un chant très mélancolique qui devance la rupture, et la rupture qui vient de Marie Wodzinska. Mmh. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, c'était une histoire beaucoup plus conforme à son, en quelque sorte, son surmoi dont je parlais tout à l'heure, son surmoi conformiste un petit peu, et aussi assez pieux, hein, puisque voilà, la mère de Chopin était très pieuse. Est-ce que ça correspond à des sentiments profonds? On peut en douter quand on regarde un petit peu les choses en détail, en fait. Je suis arrivée ici sans trop de peine, mais à grands frais, et suis content de ce que j'ai trouvé dans cette ville. Les premiers musiciens et le premier opéra du monde. Je connais Rossini, Cherubini, Père, etc., etc. Sans doute resterai-je à Paris plus longtemps que je le pensais, non que j'y sois tellement bien, mais parce qu'il est possible que peu à peu je parvienne à l'être. Cependant, tu es plus heureux. Tu te rapproches des tiens, tandis que je ne reverrai peut-être pas ma famille. Le nombre des Polonais qui sont ici est inimaginable. En effet, avec Valentin Radziwill, que j'ai rencontré ici, je dîne aujourd'hui chez les Comars, et ceux-ci, je le sais, ont été en correspondance avec Bayer. Hier, j'ai dîné chez Madame Potocka, la jolie femme de Mieczyslas. Je me lance peu à peu dans le monde. Hélas, je n'ai qu'un ducat en poche. C'est toutefois mieux que toi. Mais je ne t'ai encore rien dit de l'impression produite sur moi par cette grande ville après Stuttgart et Strasbourg. On trouve à la fois ici le plus grand luxe et la plus grande saleté, la plus grande vertu et le plus grand vice. À tous les pas, des affiches relatives aux maladies vénériennes. Du bruit, du vacarme, du fracas et de la boue plus qu'il n'est possible de se l'imaginer. On disparaît dans ce paradis, et c'est bien commode. Personne ne s'y informe du genre de vie qu'on mène. On peut sortir en plein hiver vêtu de guenilles et fréquenter la plus haute société. Entendait à l'instant une lettre de Chopin à son ami Norbert Alphonse Kumelski, lui-ci, par Vanda Benes. C'est vrai, Pascal Fautrier, que quand Chopin arrive à Paris, la ville est en pleine ébullition. Mais en même temps, il va assez bien se faire à cette ébullition-là. Il va devenir parisien, selon vous ? Pas tout à fait, je crois, tout de même. On est juste après la révolution de 1830 et puis après l'écrasement de l'insurrection polonaise, il arrive à Paris dans un sale état quand même. Et il va mettre malgré tout un certain temps, alors c'est pas tant de temps que ça, mais enfin à peu près une année, à se faire reconnaître comme un musicien exceptionnel. Alors malgré tout, il va y arriver relativement rapidement. Et la chance, comme il l'écrivait dans la lettre, de certaines rencontres qui lui permettent finalement d'intégrer le grand monde parisien, le tout Paris comme on commence déjà à l'appeler. Oui, alors joue beaucoup dans cette capacité de Chopin à intégrer ce grand monde parisien une très grande politesse, un très grand raffinement personnel acquis par son éducation. Il arrive à tousser avec une grâce infinie, dit Marie Dagout, la bonne amie de Liszt. Voilà, c'est-à-dire que il y a un charme qui se dégage de sa personne, qui est sans doute, alors on peut pas évidemment nous évidemment complètement savoir, mais sans doute assez comparable au charme qui se dégage de sa musique, c'est-à-dire quelque chose de très de très délicat, de tout à fait comment dire, il est un beau bouquet de fleurs parmi les bouquets de fleurs qu'il adore. Il aime beaucoup beaucoup les fleurs et s'entourer de fleurs. Il adore le luxe, il adore le raffinement, et il est en quelque sorte déchiré entre ses sentiments égalitaristes profonds, hein, c'est-à-dire que je pense qu'il était capable de penser que le génie peut venir de n'importe où dans la société, et en même temps vraiment ce goût du luxe, ce goût du très grand raffinement. Il a besoin de ce luxe, peut-être aussi parce qu'il est un homme malade depuis l'âge de 17 ans, un homme tout de même assez fragile. Il y a quelque chose de proustien un petit peu dans la personnalité de Chopin. La maladie, le oui. rapport au luxe, on l'a beaucoup assimilé comme oui. Proust au salon, alors qu'il était oui. l'un comme l'autre, sont autre chose que des salonnards. Oui, absolument. Oui, pourquoi pas. Je pense absolument que... alors peut-être, il y a un rapport un peu différent à la création, puisque justement, chez Proust, il y a quand même une très grande différence entre le lieu de la création, qui est vraiment la chambre, qui est vraiment le lieu clos, et puis les salons, alors que Chopin recherche dans sa musique une sorte de autre conversation, une conversation dans une langue sublime qui serait la langue de la musique. Et ce qu'il aime par-dessus tout, je crois, c'est d'improviser au piano devant quelques personnes choisies et capables de l'écouter, capables de l'entendre. Il était l'homme du monde par excellence. Non pas du monde trop officiel et trop nombreux, mais du monde intime. Des salons de 20 personnes, de l'heure où la foule s'en va et où les habitués se pressent autour de l'artiste pour lui arracher, par d'aimables importunités, le plus pur de son inspiration. C'est alors seulement qu'il donnait tout son génie et tout son talent. C'est alors aussi qu'après avoir plongé son auditoire dans un recueillement profond ou dans une tristesse douloureuse, car sa musique vous mettait parfois dans l'âme des découragements atroces, surtout quand il improvisait, tout à coup, comme pour enlever l'impression et le souvenir de sa douleur aux autres et à lui-même, il se tournait vers une glace, alla dérober, arrangeait ses cheveux et sa cravate et se montrait subitement transformé en anglais flegmatique, en vieillard impertinent, en anglaise sentimentale et ridicule, en juif sordide. C'était toujours des types tristes, quelque comiques qu'ils fussent, mais parfaitement compris et si délicatement traduits qu'on ne pouvait se lasser de les admirer. Toutes ces choses sublimes, charmantes ou bizarres qu'il savait tirer de lui-même faisaient de lui l'âme des sociétés choisies. Quelles sont les amitiés, Pascal Fautrier, de Chopin? Il y a quand même un certain nombre de grands musiciens. Il y a Liszt, on en parlera beaucoup mercredi, mais il y a aussi Mendelssohn, il y a aussi Berlioz, il y a aussi Bellini. Dans ses salons, où il aime jouer, on l'a entendu dans cet extrait d'Histoire de ma vie de George Sand, parmi un public le plus restreint possible. Mais il y a toutes ces amitiés musicales, ces amitiés artistiques. Alors on peut se demander si elles sont si profondes que ça, ces amitiés. On parlait de Titus tout à l'heure, là on avait des amitiés qui étaient assez profondes. C'est la Pologne qui reste le cœur finalement. Oui, je crois un des personnages dont j'arriverai pas à prononcer ici le nom, mais qui est Krizmala, je sais pas comment on prononce ce nom à vrai dire, qui est sans doute un de ses meilleurs amis, mais qui... en revanche, si on prend par exemple le rapport à Liszt ou le rapport à Berlioz, il aime bien Berlioz comme homme, mais il n'aime pas du tout sa musique, par exemple. Je crois qu'il y a une conception de la musique qui est radicalement, enfin je crois, je suis même sûre, qui est radicalement opposée à celle de Berlioz. Et Liszt, c'est un personnage, y compris musicalement, extrêmement différent de Chopin. Il y a une démonstration de force chez Liszt, il y a une puissance, qui est tout à fait à l'inverse de la délicatesse de Chopin, qui avait un jeu tellement faible que ça posait des problèmes dans les salles de concert, On n'entendait pas assez. Un peu vaste, on n'entendait pas assez. D'où le fait qu'effectivement, son lieu propice, c'était vraiment le salon avec des gens qui l'entendaient. Mais je crois que surtout ce qu'il faut voir, c'est que Schumann avait raison d'entendre les canons sous les fleurs. C'est-à-dire qu'à la fois ce goût de la satire et ce rire qu'il y a chez Chopin, mais aussi ce goût de l'effraction grâce à effectivement des sentiments pas habituels du tout, des sentiments qui peuvent pas trouver et qui ne sont pas du tout une traduction de ce qui peut s'exprimer par la langue et qui sont des sentiments presque inouïs, étranges et qui mettent les gens mal à l'aise, qui peuvent parfois même les angoisser comme Sand dit. Il y a là une volonté d'effraction chez Chopin. Il y a une agressivité, il y a effectivement des canons sous les fleurs, il y a un côté révolutionnaire de Chopin, un certain martèlement manière, aussi dans la musique de Chopin. Oui, un martèlement, j'irais peut-être pas jusqu'à dire ça, mais il y a en tout cas une volonté d'effraction d'un univers habituel, donc un rapport à la conformité sociale extrêmement ambivalent, finalement. Qu'on va retrouver aussi dans sa volonté d'enseigner, alors pour gagner de l'argent évidemment, à des enfants d'aristocrates. Oui. Oui. Et en fait, au bout du compte, on peut dire qu'il est révolutionnaire en ceci qu'il essaie d'atteindre avec ses élèves, et y compris avec ses auditeurs dans les salons, d'atteindre une émotion, d'atteindre une relation grâce à l'art, grâce à la musique, qui est très très loin de ce conformisme social, qui est presque opposé. Il essaye de faire surgir ce qu'il est pour lui, ce qui lui tient le plus à cœur, une forme de vérité qui est liée à l'émotion musicale et qui est vraiment en totale contradiction, en totale effraction. Je dirais par rapport justement à toutes ces habitudes un petit peu empesées de cette bourgeoisie ou de cette aristocratie qui se mime elle-même, puisqu'on est quand même après la Révolution française et qu'on est presque dans une nostalgie dans ces milieux d'un aristocratisme qui au bout du compte n'existe plus. Mais c'est comme s'il avait été contaminé, ou plutôt comme son image avait été contaminée par ses salons, parce que depuis, il a une image qui est l'image d'une composition peut-être presque facile, cherchant à faire plaisir. Et c'est vrai que la musique de Chopin s'écoute parfois avec beaucoup de volupté. Est-ce qu'on ne l'a pas justement un peu catalogué à tort à cause de cette période où il gagne bon an mal an pas mal sa vie et où il vit entouré d'aristocrates? Oui, je pense que c'est une caricature de Chopin. Bon, plus la musique d'ascenseur, c'est-à-dire le fait d'entendre, de réentendre Chopin sans vraiment l'écouter, ça fabrique une image de Chopin qui est sans doute une image superficielle. Alors néanmoins, effectivement, il a ce désir d'ascension sociale, il a ce désir d'être dans les salons, et puis il a des problèmes d'argent, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il gagne sa vie. Donc c'est presque une question vitale d'être aussi accepté et admis dans ces salons aristocratique. Il y a quand même quelque chose qui le pousse, qui est à la fois la maladie et une forme de précarité, malgré le fait qu'il arrive à avoir des fleurs fraîches dans son salon, ce qui coûte un certain prix à l'époque, y compris tout d'un coup, il est capable de liquider tout son argent, tout le peu d'argent qu'il a pour refaire son appartement et pouvoir justement recevoir ses amis. Voilà, donc il y a une ambivalence, il se met en danger, il y a une ambivalence profonde, mais il se met en danger aussi tout le temps. Est-ce que ça le conduit en danger, à moins composer cette période qui va à peu près de 1832 à 1836, entre 22 et 26 ans, est-ce qu'il compose un petit peu moins parce qu'il donne des cours? Alors, il va être obligé de donner des cours jusqu'à la fin de sa vie. Malgré tout, Georges Sand va lui offrir à partir de 1837 des lieux favorables, peut-être le lieu le plus favorable à la création qu'il ait connu, qui est sans doute Nantes, qui est sans doute sa maison de Nantes. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il va être obligé de fréquenter des milieux comme précepteur, donner des concerts, etc. Enfin, donc voilà. Et parmi les compositions de cette période, il y a la ballade numéro 1 que je vous propose d'écouter, interprétée ici par Martha Argerich. La compagnie des œuvres sur France Culture. Et effectivement, cette balade numéro 1 contredit l'idée que peut-être ça l'empêche de créer, moins travailler et moins bien travailler, parce qu'en effet, c'est une balade dans laquelle on entend l'invention formelle. Oui, alors notamment de la forme balade, puisque c'est qui est une invention de Chopin et qui est tellement caractéristique de son rapport à la musique, et d'une manière extrêmement, et même je dirais de son rapport à la vie. C'est un artiste qui est à la hauteur de la flânerie baudelairienne, que plus tard Benjamin au XXe siècle considérera comme caractéristique d'une nouvelle façon d'exister, c'est-à-dire précisément sans s'appuyer sur des fondements éternels, sur une nature humaine éternelle, mais comme j'ai dit tout à l'heure, dans un sentiment que la vie se crée sans arrêt, et qu'elle est une balade sans fin ni commencement, et c'est ce qu'on entend dans Chopin. Et cette musique, je pense que c'est pour ça qu'elle est encore écoutée, parce que finalement nous sommes encore dans cette période historique où nous vivons un peu suspendus en l'air, sans savoir d'où nous venons et où nous allons. Et quand nous écoutons Chopin, je crois que nous trouvons là, et d'une manière un peu rassurante, puisque ça fait partie des valeurs culturelles les plus communes maintenant, et presque traditionnelles, mais nous trouvons de manière rassurante ce qui, au contraire, dans la vie quotidienne, peut être assez angoissant, c'est-à-dire une espèce d'absence de certitude. Est-ce que ce n'est pas aussi une musique de l'individualité, de l'individualisme même, puisque c'est une musique où on n'entend quasiment que du piano, il n'y a pas d'orchestre en fait avec Chopin. Quel était, vous qui avez écrit un livre qui s'appelle Les Rouges, vous qui êtes une écrivaine du collectif, quel était finalement, de ce point de vue-là, la position de Chopin? Alors, c'est Lenz qui a dit une chose incroyable, donc dans les années 1860, après la mort de Chopin, que Chopin était l'unique pianiste politique. Je cite. Oui, mais de quel bord? C'est là qu'on voulait vous entendre. Je crois que malgré tout, justement, cette façon de considérer l'existence comme une balade incertaine, qui est aussi une façon universelle d'exister, au-delà des différences sociales, au-delà de valeurs que les conservateurs aujourd'hui encore considèrent liées à un sexe, à une sexualité, à une ethnie ou que sais-je. Je crois qu'on a chez Chopin un rapport à l'existence qui est au contraire une tentative, dans cette volonté d'effraction dont je parlais tout à l'heure, d'accéder par le sentiment intérieur à une universalité. Vous ne voyez pas, par exemple, dans une certaine forme d'élitisme de Chopin, dans sa manière peut-être de regarder de haut un certain nombre des événements politiques aussi qu'il a traversés, vous n'y voyez pas un positionnement politique particulier? Alors, je ne suis pas sûre qu'il ait regardé de haut les événements politiques. Quand on voit la façon dont il réagit à l'écrasement de l'insurrection varsovienne, il dit dans ses lettres qu'il est mort. C'est-à-dire que voilà, il est loin, c'est-à-dire qu'il est, lui, il est à Vienne, il est en train de se balader entre la Pologne et la France, où il va aboutir. Mais alors, par ailleurs, à l'époque, sa première amoureuse le laisse tomber et épouse un autre homme. Mais il est extrêmement touché, et très très profondément, par les événements politiques, et notamment par le destin de la Pologne. Et sur l'élitisme? Alors évidemment, avec George Sand, il va y avoir comme ça une sorte de conversation un peu étrange, puisque George Sand, comme on sait, c'est un peu la créatrice du progressisme socialiste, on peut dire. En même temps, c'est une châtelaine. Depuis qu'elle a divorcé du baron du Devant, elle a retrouvé sa dot. Voilà. Donc, elle a une existence qui, elle, a un fondement social certain, qui est cette propriété de Nohant. Donc, elle est dans une situation sociale qui est beaucoup plus confortable que Chopin. Et alors, à front renversé, elle est presque plus égalitariste avec des limites, hein, qui vont être, par exemple, sa réaction à la Commune de Paris, qu'on connaît, etc. Mais elle est dans son discours, en tout cas presque plus égalitariste que Chopin, qui se moque un petit peu gentiment de cet égalitarisme de la châtelaine de Nohant précisément. Ouais. Et en même temps, lequel des deux, dans la vérité de son art, est finalement le plus proche d'un idéal universel non conformiste? Finalement, je sais pas, peut-être Chopin. Ma santé s'améliore de jour en jour. Les vésicatoires, la diète, les pilules, les bains, et plus que tout, les soins infinis de mon ange m'ont remis sur pied, sur des jambes un peu maigres. Tu t'intéresses à mes projets. Alors, voici. Le médecin ne veut pas me libérer avant mai, juin. De Marseille, nous comptons gagner Nohant, où l'air d'été me fera beaucoup de bien. Si ma santé l'exige, et suivant l'état de mes finances, je passerai l'hiver prochain dans le midi de la France ou à Paris. J'ai maigri et pâli terriblement, mais maintenant je mange beaucoup. Ajoute à ma toux habituelle tout le mal que m'ont fait les Espagnols et les multiples agréments éprouvés là-bas. Sans cesse, je la voyais inquiète de moi. Elle devait me soigner toute seule, car Dieu nous préserve des médecins du pays. Je la voyais faire mon lit, ranger la chambre, préparer les tisanes, se priver de tout pour moi. Lettre de Chopin à Albert Grisimala. On parlera donc jeudi longuement de la relation entre Sand et Chopin. Je voulais passer cette archive pour qu'on entende la préoccupation constante de Chopin pour la maladie. Mm-hmm. Vous en avez aussi parlé, Pascal Fautrier. La maladie qui a toujours été sa compagne. Quand Georges Sand quitte Chopin, il décide de partir à Londres et le climat londonien, dit-on, va lui être fatal. De quoi meurt Chopin, Pascal? Oui, on va jusqu'à dire que Sand l'a presque tué. Londres, alors. Voilà, Sand et Londres. Alors, ce qui est curieux, c'est que Londres, comme l'Italie d'ailleurs, vont vous représenter dans sa vie des ailleurs. Qu'il est finalement qui vont être des lieux pour lui imaginaires, qui le sort de cet axe Paris, Nancy, Varsovie, qui est cet aller-retour, cette espèce, je parle même d'un boomerang dans le livre entre Nancy, Varsovie et puis Paris. Ça le sort de ce destin. Et il va être très déçu à Londres de voilà. Cette peut-être aurait-il été déçu par l'Italie aussi, on ne sait pas s'il avait davantage insisté dans son rêve italien. Merci beaucoup Pascal Fautrier. Je rappelle qu'on peut lire de vous alors la biographie de Chopin, malheureusement je crois qu'elle est épuisée. Oui. En revanche, La vie en jaune, chronique d'un soulèvement populaire vient de paraître au Diable Vauvert et chacun peut se la procurer. La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et tout de suite, on termine cette émission avec En Compagnie des revues et la visite de Pierre Benetti de la revue en ligne En Attendant Nadeau. Bonjour à vous Pierre. Bonjour. Vous nous parlez aujourd'hui de deux articles d'En Attendant Nadeau autour d'une idée, et cette idée c'est le courage. Oui, ce sont deux articles que nous avons publiés ces derniers jours. L'un qui concerne un livre publié par l'écrivain et journaliste turc Ahmet Altan, c'est publié chez Actes Sud. Ça s'appelle Je ne reverrai plus le monde, et donc comme on peut l'imaginer à partir de ce titre, Ahmet Altan à Istanbul est emprisonné, il est accusé d'avoir, si ce n'est participé, du moins annoncé le coup d'État qui a eu lieu en 2016. De manière un peu sublime. subliminal. Hein, voilà, c'est ce qu'explique notre article. Et donc, ce journaliste était déjà connu pour des prises de position assez fortes. Il avait fondé un journal qui s'appelait Prendre Parti. Je ne vais pas prendre le risque de le dire en turc, parce que je ne suis pas turcophone. Mais ce sont des textes marqués, nous dit Jean-Paul Chancet, notre collaborateur, par une sorte de détachement assez étonnant vis-à-vis de sa propre expérience de l'incarcération, de la violence politique. Et il s'en dégage une sorte de sagesse nourrie de lecture, puisque c'est un lecteur, et c'est pour ça qu'on a appelé cet article « Voyage autour de ma geôle », qui fait référence au livre de Xavier Demestre « Voyage autour de ma chambre ». Et c'est bien en écrivain que Ahmet Altan écrit toujours, même s'il est en prison, même s'il c'est bien en prisonnier aussi qu'il écrit dans un double mouvement. Et il écrit quelque part « Je suis écrivain, je suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas ». Et c'est peut-être parce qu'il prend cette position d'écrivain en prison qu'il dépasse sa propre expérience d'une certaine manière. C'est un très beau livre, c'est un très bel article aussi, et que cette expérience n'est pas seulement communicable, mais qu'on peut y entendre toutes les captivités sans raison aussi. Peut-être qu'on pourra reconnaître beaucoup de situations de gens qui sont arrêtés arbitrairement en Turquie, en France ou ailleurs. Et c'est ça qu'on voulait mettre en avant. Alors bien sûr, c'est un livre, ce n'est qu'un livre, et tous les captifs du monde n'ont pas l'occasion d'écrire ou de publier, mais c'est peut-être grâce au fait qu'il y a un livre qu'on peut savoir que cette expérience d'espérance est possible. Toujours sur cette thématique du courage, vous nous parlez également de l'œuvre de la traductrice du yiddish, Rachel Hertel. Oui, c'est un autre article qui est en ligne sur un intendant ado actuellement, sur un livre qui s'appelle « Mémoire du yiddish, transmettre une langue assassinée ». Ce sont des entretiens, c'est chez Albin Michel. Et donc Rachel Hertel est une grande traductrice, une enseignante, une sorte de médiatrice de la culture yiddish depuis des années. Elle parle rarement d'elle, et là c'est un livre qui revient à la fois sur son œuvre, sur son histoire, et qui montre surtout une sorte de, pour moi, de courage à continuer de transmettre une culture effacée par le crime, l'extermination des Juifs d'Europe, de transmettre cette culture qui est pour elle un objet perdu. Elle avait consacré un livre précédent à cette question. Mais Rachel Hertel, pour autant, ne semble pas voir ça comme une sorte d'optimisme ou de retour à une culture de manière folklorique, j'ai envie de dire. L'auteur de l'article nous parle à un moment d'une sorte de pessimisme vital, c'est-à-dire assumer la perte, partir de cette perte, produire un nouveau récit et continuer quand même de transmettre une histoire. Je trouve qu'il y a un très grand courage à faire cela. Alors, en attendant Nado paraît, je crois, ce mercredi. Est-ce que vous voulez nous en dire un tout petit peu plus sur ce qu'on pourra y lire d'autre? Avec plaisir. On va parler de deux anniversaires. L'un, c'est l'anniversaire de la disparition de Georges Perec. Et à l'occasion de cet anniversaire, on va publier un très grand article, très précis, sur les nouvelles publications autour de Perec. Il y a beaucoup de choses qui continuent d'être dites et comprises de cette œuvre fascinante. Un deuxième anniversaire, là, on est un peu en avance, mais on va prendre cette avance-là, sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin, un article qui portera sur un roman allemand concernant la réunification d'Ingo Schulze et une recherche historique de Sonia Combes portant sur les floués du socialisme, c'est-à-dire des gens qui ont continué malgré tout à croire dans la République fédérale, la République démocratique allemande. Voilà, tout cela donc à retrouver sur enattendantnado.fr. Merci beaucoup Pierre Benetti. C'est la Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Julien Calva. Demain, suite de notre série consacrée à Frédéric Chopin, nous tenterons de définir davantage sa musique. Ce sera avec Jean-Jacques et Gilles Dinger.